premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux pédagogies nouvelles. Nous vous parlerons bien sûr de Freinet, de Montessori, de Crowley et de bien d'autres pédagogues innovants pendant cette semaine. Demain, le documentaire de Cyril Niattard et Anne Fleury s'intéressera à la pédagogie développée à l'école de Crowley à Paris. Mercredi, nous nous arrêterons sur l'impact de la Première Guerre mondiale sur l'invention de ces diverses pédagogies. Et jeudi, nous débattrons du plan Langevin-Vallon d'après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, eh bien avec Cyril Niattard, qui va co-animer cette émission avec moi, nous recevons Joanna Grudzinska, dont le film documentaire produit par Arte, Révolution École, a été très suivi sur cette chaîne. Puis nous recevrons Jacqueline Bonnard et Anne-Claire Devoges, deux des initiatrices et participantes de la première Biennale internationale de l'éducation nouvelle qui s'est tenue au début de ce mois à Poitiers. Bonjour Cyril Niattard. Bonjour. Et bonjour à vous, Joanna Grudzinska. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez produit donc et diffusé sur Arte un film très récemment qui s'appelait Révolution École, qui a fait un peu de bruit, qui a remis d'une certaine façon au goût du jour vis-à-vis d'un public plus large, celui de la chaîne Arte, mais également à l'étranger dans beaucoup d'endroits, eh bien, a remis cette question de l'éducation nouvelle ou des pédagogies nouvelles à l'ordre du jour. Comment cette idée vous est-elle venue, en fait, Joanna Grudzinska? Ben, moi, je suis réalisatrice, en fait, cinéaste de documentaire et de fiction. Et ce qui m'a intéressée, ce qui me paraissait intéressant, c'était que c'était une histoire qui n'avait pas été racontée. Alors ça, c'est très excitant quand on fait ce métier. Je me suis dit, génial, personne n'a fait, en fait, le lien entre les pays et les hommes, les méthodes et les rencontres, les congrès. C'est à la fois une histoire des idées et tout simplement une histoire avec un grand H dont on est tous héritiers et qui ne nous a pas été racontée. Donc... du coup, c'était parti pour faire le film. Et puis on a assez vite trouvé des archives absolument incroyables, en fait. Oui, parce qu'effectivement, le cinéma existe déjà au début du XXe siècle et vous commencez votre film à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale en 1918. Voilà, et en fait, donc du coup, il y a une sorte de rencontre entre une technique qui est celle du cinéma et du cinéma qui commence à pouvoir être utilisé par tout un tas de gens qui sont pas forcément des opérateurs professionnels, mais aussi un espoir, en fait, dans l'enfant très très fort suite à la Première Guerre mondiale, ce qui fait que les opérateurs se sont tous mis à filmer les enfants comme des fous parce qu'en fait, ils se sont dit le renouveau, la renaissance, l'avenir, c'est l'enfant. Donc ça, c'était déjà un peu en cours au 19e, mais après la Première Guerre, vu la catastrophe que ça a été, du coup, il y avait cette espèce de projection au sens propre et figuré sur l'enfant. Résultat, ça a donné une production cinématographique magnifique. Et est-ce que, justement, cette production cinématographique, Joanna Grudzinska, elle est due aussi au fait que ça devient un outil, justement, pour ces pédagogues, hein, c'est-à-dire qu'ils filment leur cas? Je pense par exemple à des médecins comme De Crowley qui filment justement l'enfant pour pouvoir analyser la manière dont il apprend, la question de la construction du savoir, enfin toutes ces problématiques qu'on retrouve de manière permanente dans cette histoire de l'éducation nouvelle. Oui, absolument, j'ai découvert en fait une histoire de la méthode pédagogique qui s'est construite effectivement dans l'enregistrement des gestes et l'enregistrement des réactions, l'enregistrement scientifique des réactions, des gestes et des apprentissages de l'enfant, qui était en fait pour eux la possibilité de déduire des théories et d'avoir en fait un plan, quoi. Et ça, c'était très fort à l'image parce que c'était à la fois l'expérience scientifique elle-même et en même temps, on voyait qu'elle ne pouvait avoir lieu sans rapport avec l'enfant au moment du tournage. Donc, il y a en permanence des regards caméra, en permanence une interaction en fait entre le filmeur et l'enfant. Donc, ces rushs ou ces films hybrides en fait qui se situaient vraiment entre plusieurs champs, le champ scientifique, mais aussi le champ artistique parce que les pédagogues ne faisaient pas, ne mettaient pas de limites en fait à leur expérience et ils ont aussi voulu, en fait, par la manière dont ils filmaient, sublimer leurs propres gestes, lui donner une identité forte, sensuelle et existentielle. Et on voit d'ailleurs l'importance des corps, hein, qui est très présent dans votre film, et parce qu'elle est très présente en fait dans justement cette analyse des pédagogues de l'époque. Et puis, on en discutera après, mais. Pour les générations suivantes également, la question des corps, de la sexualité également. Oui, ils ont tous critiqué évidemment la rupture avec le corps qu'avait été pour eux la Première Guerre mondiale, le fait que les gens avaient obéi en fait à l'injonction sans prendre en compte évidemment leur corps qui allait donc être supplicié, tué, massivement tué à la guerre. Donc il y a cette croyance dans le corps, dans la manière dont le corps est relié à la terre, mais aussi en fait à la spiritualité, parce que certains de ces pédagogues étaient très chrétiens, je pense à Maria Montessori entre autres. Il y avait toute une tentative de penser une harmonie, en fait, une harmonie plus grande et un renouveau dans cette harmonie entre le corps et l'esprit. Donc le corps était, mis en avant et retrouvait sa première place. C'était le meilleur élève, finalement. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre film, qui s'appelle, je rappelle, Révolution École, Joanna Grudzinska, c'est tout ce qui tourne autour de ce mouvement international. C'est-à-dire que vous avez retrouvé des archives à la fois du côté de la Pologne avec Korczak, du côté de l'Allemagne bien évidemment, du côté de la Suisse, de l'Italie, de la France, de la Grande-Bretagne, et vous avez à travers les congrès donc de l'éducation nouvelle, de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, pour l'éducation nouvelle, vous avez retrouvé ce qu'on appellerait aujourd'hui ce transfert culturel entre tous ces pays autour de cette question de la rénovation de l'éducation. Oui, absolument. C'est là où c'était absolument passionnant parce que je me suis dit, mais ça n'a pas de limite, quoi. C'est-à-dire que non seulement ils remettent en question tout, mais en plus ils vont le faire de manière internationale et ils vont pas du tout s'arrêter à la petite cause patriotique nationale, je dirais aux petites frontières. Pour eux, l'enjeu était beaucoup plus vaste. Le mouvement devait être mondial et devait transformer la planète entière au-delà des différences, mais aussi de manière extrêmement locale et très précise en fait. C'est-à-dire que typiquement les élèves apprenaient, en fait il y avait une culture européenne, il y avait Shakespeare était appris par les élèves, était joué quels que soient les pays, l'anglais, l'allemand étaient interchangeables quels que soient les pays, on disait le Schulgemeinde, la fameuse assemblée scolaire qui avait lieu tous les jours, où tout le monde se parlait de comment se passait la journée, de comment les gens se parlaient entre eux et de tout un tas de choses, ça s'appelait Schulgemeinde partout en Europe, quoi. Donc il y avait cette dimension internationaliste et cette identité européenne très forte, et ça m'a énormément touchée parce que je me suis vraiment dit on est complètement héritier de ça et on aimerait aujourd'hui l'être encore plus, quoi. Mais on comprend bien aussi dans votre film que c'est cet après Première Guerre mondiale qui ne fait que justement accentuer ce côté internationaliste, parce que l'idée c'est bien, nous allons former un nouvel individu, un individu qui sera pacifiste, solidaire, qui aura le sens du partage, une nouvelle éducation, hein, qui sera aussi moins obscurantiste. Et ça, c'est vraiment le résultat aussi de cette guerre internationale, en l'occurrence. Absolument. En fait, la guerre a participé à ces liens. je pense, enfin, c'est une sorte de médaille à double face, quoi. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que souvent, on fait des films d'histoire sur l'enfer, sur l'horreur, sur la violence. On fait jamais des films sur comment se construit la paix. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire un film sur comment se construit la paix, sachant que je suis assez critique dans le film sur le mouvement, puisqu'il est en partie récupéré par les totalitarismes, et c'est aussi un mouvement qui est basé sur le vitalisme, qui est une notion qui est suffisamment en fait floue pour pouvoir être récupérée. Et je trouve que le mouvement porte jusqu'aujourd'hui la trace de cette la trace de cette idéologie, de ce frottement avec l'idéologie, oui. Et alors ça c'est très intéressant parce que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas précisément ce qu'est cette éducation nouvelle, mais on découvre dans votre film Révolution École, on découvre Francisco Ferrer, Adolphe Ferrière, on découvre de Croly dont on parlera demain dans le documentaire de Séverine Yatta et de Anne Fleury, on découvre Alexander Neill qui a été très connu dans les années 70, c'est-à-dire par ma génération grâce à Libres enfants de Sommerhill bien évidemment, mais aussi Maria Montessori. Steiner, Maria Montessori, Janusz Korczak, etc. Alors vous tentez de faire des portraits de tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces pédagogues de la pédagogie nouvelle? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ou est-ce que c'est une sorte de désordre de courage, comme on pourrait dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui se rassemble parce que la Première Guerre mondiale a tout rebrassé, rebattu les cartes? Moi, je pense que... Enfin, voilà, moi, je suis pas historienne, mais d'abord, il y a quelque chose qui les a unis. Alors, pas tous, mais quand même beaucoup, qui est donc cette fameuse Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, avec Adolphe Ferrière, qui s'en est fait le chantre, voilà, le grand communicant. Qui naît à Calais, donc. Qui naît à Calais en 1921, voilà. Où ils se réunissent tous pour la première fois. Donc, ils veulent... en fait être unis, ou en tout cas ils veulent être reliés les uns aux autres, et en même temps ils sont très fort séparés des uns des autres en permanence par beaucoup de conflits et beaucoup de débats entre eux. Moi je pense qu'ils sont reliés par ce temps historique qui les unit et qui fait que leurs inventions, tout aussi différentes soient-elles les unes des autres, sont de toute manière soumises voilà, au réel des politiques de leur pays, et donc ils sont en fait tous résistants. On écoute un extrait de votre film Révolution École sur cette naissance, justement. Le premier congrès international d'éducation nouvelle voit le jour à Calais en 1921. Pour la première fois, des pédagogues vont partager publiquement leur expérience éducative et leurs résultats. Le congrès réunit 150 participants venus d'une dizaine de pays différents. Parmi eux, des médecins comme de Croly, des instituteurs, des philosophes. Ils sont catholiques, protestants, socialistes, spiritualistes, théosophes, quakers, féministes. Mais tous sont pacifistes et résolument unis contre l'école traditionnelle. Le Britannique Alexander Neill se distingue par sa radicalité. C'est sur les conseils du démon que l'on inventa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eût aucun but. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les seules idées. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans l'école. Ils surdissimulaient, ils surtrichaient, ils surmentirent. Voilà un extrait de votre documentaire, donc Joanna Grudzinska, Révolution École, qui raconte la naissance de cette Ligue internationale pour l'éducation nouvelle à Calais en 1921, et ce radicalisme d'Alexander Neill sur l'idée que c'est le démon qui a inventé l'école. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous montrez comment, dans le cours de ces années 20 et de ces années 30, cette Ligue internationale ne sera pas que le lieu des conflits, parce qu'il y aura des conflits, mais aussi le lieu des entraides à certains moments difficiles, en particulier lors de la montée des totalitarismes. Eh bien, certains se réfugieront chez d'autres qu'ils ont connus au moment justement de ce congrès de Calais en 1921. Oui, alors on connaît bien sûr les enfants réfugiés de la guerre d'Espagne chez Célestin Freinet. Ça, c'est vraiment un événement, une occurrence qui est très forte, quoi. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et évidemment, ça nous parle beaucoup d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'accueillir, qu'est-ce que c'est que réfugier, qu'est-ce que c'est qu'être réfugié. C'est assez intéressant parce que Freinet leur faisait en fait raconter leur histoire d'enfants réfugiés, et donc en fait finalement dans la narration, dans la manière de raconter les choses, ça commence à exister et ça commence à pouvoir être communiqué. Et par ailleurs, ils se sont tous retrouvés effectivement dans des situations plus ou moins compliquées et difficiles dans la montée des totalitarismes et avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont dû tous un petit peu s'exiler. Alors, est-ce qu'ils se sont vraiment entraînés? Je sais pas, je crois que Gaeb, oui, il a fini par se faire... C'est intéressant, Gaeb, hein, qui son école se fait nazifier, en fait. Oui, complètement. Hein, mais Gaeb part pas tout de suite. Hein. Et il n'arrive pas à partir, en fait. L'Odenwaldschule, c'est ça? L'Odenwaldschule, qui est une école qui est très... particulière et qui a, en fait, jusqu'à aujourd'hui, pose beaucoup de questions, y compris en Allemagne. D'ailleurs, lors de la diffusion du film, Arte Allemagne, puisque, comme vous le savez, c'est une chaîne binationale, Arte Allemagne avait un rapport vraiment compliqué au film, parce que le Donneval Schule était quand même une école... Parce que c'est vrai que c'est l'école où on a trouvé les archives les plus folles. Il faut bien le dire, une production incroyable. La retranscription de tous les débats des élèves sur le nazisme, sur la guerre, sur le chômage. Enfin, c'était d'une richesse infinie, avec une production d'images impressionnante et effectivement une grande un grand radicalisme, c'est-à-dire beaucoup d'enfants nus à l'image, aussi Geb lui-même tout nu très souvent, enfin voilà, ils étaient totalement naturistes, donc c'était vraiment un peu, enfin aujourd'hui c'est considéré comme une secte et le Donneval Schule a été aujourd'hui totalement démantelé, le terrain a été vendu, il y a eu des scandales de pédophilie dans les années 70 et 80, donc finalement le rapport à l'école et le rapport à Geb ont été ça a été compliqué pour eux quoi de voir le film en fait depuis cet endroit-là historique politique ils ont fait des confusions et c'est vrai que ça peut c'est confus hein l'éducation nouvelle à un certain endroit il y a une confusion mais je crois que c'est ce point de confusion que je trouve passionnant oui Geb longtemps est resté il n'est pas parti alors que je veux dire il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie très tôt à cause des nazis c'est pas le cas de Geb il a fini par partir et c'est Ferrière qui l'a aidé à venir s'installer en Suisse où il a monté une nouvelle école. Oui, son école a été complètement envahie entre guillemets par les nazis et on a retrouvé une archive qui avait jamais été développée, un film 16 mm qui était là-bas à Donneval Schule avant qu'elle ait été démantelée l'école qu'on a développé et on a vu c'était 34 et c'était l'entrée des nazis dans l'école et on voit toutes les méthodes de pédagogie nouvelle, on les voit appliquées par les nazis avec la bannière nazie. Et donc, on voit comment les corps, passent de la liberté à la contrainte, ouais. Avec les mêmes chorégraphies, par exemple, en danse. Donc ça, c'est vraiment très passionnant, de voir c'est quoi un corps libre, en fait. Enfin, là, je crois que dans cette archive, on a vraiment touché un point, quoi. Alors, ce que je trouvais aussi intéressant, puisqu'on parlait des divergences, des discussions, mais qui peuvent se transformer en divergences, voire en conflits à l'intérieur de cette fameuse ligue, c'est la question évidemment du marxisme aussi, hein, qui va pointer. Il y a la révolution russe, il y a des pédagogues comme Freinet qui se posent la question, mais la condition sociale de l'enfant, avant ce pédagogisme peut-être abstrait. Et là, voilà, là on voit qu'il y a deux écoles, il y a Montessori qui se décide enfin à rompre avec Mussolini, puisqu'elle est soutenue par Mussolini. Durant les années 30. Absolument. Et là, on voit que ces pédagogues, voilà, ils sont dans la société, ils sont engagés aussi politiquement. Alors, pas tous de la même manière, mais ils sont engagés politiquement. Joanna Gronisca. Oui, c'est vraiment un mouvement et des gens de leur temps, enfin, qui sont fils et filles de leur temps. Donc, ils ne peuvent pas être totalement abstraits des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et ils font des choix, des choix d'alliance, ensuite des choix de résistance très forts. C'est la question marxiste ou collectiviste, elle est très présente évidemment dans le mouvement. C'est vrai que tout le courant libertaire anarchiste est pas du tout traité dans le film, alors qu'il est très très important dans la construction du mouvement. Il précède un peu. C'est... Il précède et il continue. Il est pas traité parce que c'est vrai que moi ça m'intéressait la question, je dirais, de la Ligue internationale et du rapport aux politiques au sens comment est-ce que finalement cette espèce d'alliance autour de la démocratie s'effondre quoi et autour de la république de la démocratie comment ça s'effondre ça m'intéressait de voir comment est-ce que ça se cassait la gueule et puis voilà je pouvais pas traiter de tout dans le film mais ce serait passionnant je sais que dans une série sur l'anarchisme il y a sur Arte qui est passé je sais qu'il y a des choses très intéressantes sur le sujet et ça vaudrait le coup de s'y intéresser encore plus. La question marxiste et collectiviste, c'est une question qui, moi, m'a vraiment passionnée, parce que en plus, je suis née dans un pays communiste, en fait, la Pologne, et c'est vrai que la coopération, être toujours ensemble et être tous pareils, je sais précisément ce que ça veut dire. Enfin, moi pas, mais mes parents, je pense qu'ils l'ont bien senti dans leur corps. Donc voilà, c'est ça aussi qui faisait que le mouvement était était ambigu, ambivalent. Ce qui est très passionnant et qui d'une certaine façon nous laisse sur notre faim, puisque votre film dure environ une heure et demie, Joanna Grudzińska, c'est qu'il s'arrête aux portes de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y aura des expérimentations qui continueront, d'autres qui s'interromperont pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qui redémarreront après cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez perçu dans la tournée que vous avez faite un peu partout en Europe, justement, les suites de cette histoire, d'une certaine façon, c'est-à-dire ce que les graines qui ont été semées, si on prend cette image-là, pendant les années 20 et pendant les années 30, ont fini par donner dans les années 50 ou 60 de ceux qui étaient les premiers élèves de ces écoles de l'éducation nouvelle. Je les ai en fait un peu, rencontrés, quoi. Et évidemment, je me suis pas mal intéressée aussi à ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre. Et parce que finalement, l'histoire, elle nous est parvenue, enfin, moi, elle m'est parvenue essentiellement par les années 60 et 70, quoi, qu'ont vraiment, je dirais, vraiment se sont réemparés pour la première fois de manière vivante, vivace de tout ça. Mais c'est totalement cyclique, l'éducation nouvelle. C'est pour ça que ça s'appelle l'éducation nouvelle, je pense. Et que ça changera jamais de nom. C'est qu'elle est éternellement nouvelle, en fait. C'est une éducation qui revient à chaque fois que c'est nécessaire. Ce qui était intéressant dans l'entre-deux-guerres, c'est que c'était un condensé, c'était une sorte de précipité presque chimique en fait. Tout était en place. Tout était en place et donc tout permettait de raconter cette histoire. Ce mouvement qui se répète à intervalles réguliers. Alors, on va parler justement un autre anniversaire, pourrait-on dire, parce que c'était il y a 80 ans qu'étaient inventés les CMEA, et nous avons donc deux autres invités qui vont évoquer la Biennale internationale de l'éducation nouvelle qui s'est tenue au début de ce mois au Futuroscope près de Poitiers. Mais d'abord, une archive retrouvée dans le magazine du travail du 15 juillet 1950. Michel Clarence interroge des jeunes gens qui participent justement à ces CMEA. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Je suis employé de BTT. Et alors, ça, vous avez eu l'idée d'aller en stage de colonie de vacances ? Oui, c'est-à-dire c'est mon administration qui m'a détaché, spécialement pour le stage de moniteur. Bon, vous n'avez jamais fait de stage ? J'ai fait une colonie l'année dernière. Mais je vois qu'ils sont à peu près tous déguisés. Je voudrais bien savoir à quoi correspond ce déguisement. Bien, il s'agit d'essayer de jouer aussi simplement que le font les enfants lorsqu'ils s'expriment dans leurs jeux spontanés, les jeux dramatiques, et nous essayons d'être aussi simples qu'eux, ce qui n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous nous aidons de costumes, d'accessoires, d'éléments, comme vous voyez. Et vous êtes déguisé en quoi, là ? Simplement un garçon de piste d'un cirque. Nous imaginons que nous avons vu le cirque à Mar, et nous jouons nous-mêmes au cirque, comme le feraient les enfants. Bon, et là, il y a un bel harlequin. Là, je ne vois pas très bien non plus. C'est un Auguste. C'est un Auguste. Bon. Et maintenant, en dehors de l'art dramatique, quelle formation reçoivent ces futurs moniteurs de colonies de vacances ? Eh bien, nous abordons dans le stage différentes techniques, des travaux manuels, les jeux dramatiques, on vient de nous en parler, l'éducation physique et surtout des problèmes d'organisation matérielle et pédagogique. C'est ça. Alors après, ils sont aptes à diriger une colonie de vacances ? Non pas diriger, mais à avoir un groupe d'enfants d'une dizaine ou une quinzaine, n'est-ce pas, dans une colonie de vacances organisée. Alors après, ils partent dans ces colonies, je suppose. Vous les répartissez dans les diverses colonies. Certains d'entre eux viennent déjà envoyés par un organisme pour leur colonie de vacances, et d'autres, n'ayant pas de colonie de vacances, nous les plaçons. Et le stage est organisé par qui exactement ? Le stage est organisé par les centres d'entraînement méthode d'éducation active. Et... Le centre d'entraînement aux études ? Non, comment appelez-vous ça exactement ? Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et est-ce que ce centre n'organise pas autre chose que ces stages de formation de moniteurs ? Si, puisqu'actuellement, je dirige un stage de formation de guide pour enfants et pour adolescents. Des groupes d'enfants qui devraient venir visiter Paris pendant les vacances pourront être conduits par des normaliens qui sont là et apprennent ce travail. C'est-à-dire que vous leur faites visiter des usines, églises, choses comme ça ? Oui, nous avons visité différentes choses. Par exemple, ce matin, nous avons visité l'usine Lavalette. Nous avons établi des fiches pour pouvoir reproduire cette visite avec des groupes d'adolescents. Hier, ils ont fait toute une série d'enquêtes sur les musées inconnus de Paris. Demain, nous partons dans la région parisienne jusqu'à Fontainebleau. Et nous aurons toute une série de visites de ce genre. Alors ensuite, les jeunes gens que vous formez feront visiter à leur tour ce qu'ils ont vu à des enfants, groupes de jeunes. Pas forcément à des enfants, peut-être à des adolescents, des amicales laïques qui, pendant les vacances, peuvent venir à Paris. Voilà un extrait du magazine du travail du 15 juillet 1950. Michel Clarence interrogeait des responsables des CMEA. Alors, on a choisi de vous avoir, Anne-Claire Devoche, bonjour. Bonjour. Ainsi que Jacqueline Bonnard, qui n'est pas des CMEA, mais du groupe français pour l'éducation nouvelle, pour évoquer l'actualité, pourrait-on dire, de ces mouvements d'éducation nouvelle dans cette première émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette série sur les pédagogies nouvelles. Et en l'occurrence, ces CMEA sont nés en avril 1937, le premier centre d'entraînement pour la formation de personnel de colonies de vacances et des maisons de campagne des écoliers, créé justement en avril 1937, il y a 80 ans de cela, c'est ça ? Oui. C'est vrai que le premier stage a eu lieu à Beaurecueil, en région PACA, en avril. Donc, nous fêtons cette année 80 ans de projet. Alors, je trouve que c'est assez intéressant après juste le reportage, là, le documentaire, parce qu'effectivement, nous, on a cette chance d'être nés en 36 dans cet élan-là, avec la confiance d'un ministre qu'il faut citer. Léo Lagrange. Non, Jean Zay. Ah, aussi, oui, aussi Léo Lagrange, les deux. Pourquoi je le cite? Parce que lors de cette biennale internationale de l'éducation nouvelle, les amis de Jean Zay nous ont remis ce prix collectif. Effectivement, ce ministre nous a un peu encouragés à ces centres d'entraînement. Et donc, on voit le monsieur balbutier, hein, l'éducation active, c'est quoi? Déjà, c'est de l'éducation nouvelle, effectivement, toujours renouvelée et renouvelée à l'aune aussi de cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle auquel certains compagnons de route des CMEA ont participé. Donc c'est cet élan-là, c'est cet élan aussi, on est né juste avant la guerre avec cette confiance que nous fait un ministre de l'éducation à faire ces centres d'entraînement, pour lequel il met à disposition un certain nombre de professionnels de l'éducation nationale, hein, on est dans les premiers mises à disposition, et c'est vrai qu'à cette époque-là, les normaliens font un stage obligatoire dans les années 50, tous, hein, ils font une semaine en internat. Alors c'est cet élan là, je crois qu'on voit bien dans le film, c'est-à-dire que dans l'éducation nouvelle, et ça a peut-être peu été dit dans la première partie de l'émission, il y a quelque chose autour de la vie quotidienne et de la vie collective qui fonde effectivement le rapport à l'autre et le rapport au savoir de l'autre, mais aussi le rapport au savoir de manière générale. Alors, il y a cet éloge de l'enfant libre, mais derrière cet enfant libre, il y a l'idée effectivement de l'accueillir, de lui permettre effectivement de faire des apprentissages par et pour les autres, dans cet esprit coopératif. Les centres d'entraînement, donc c'est une fabuleuse idée, c'est la création du stage, hein, donc on part à 40, encore aujourd'hui, en internat, dans un vivre ensemble collectif. C'est souvent aussi très émancipateur pour des jeunes qui n'ont jamais connu ça, de partir comme ça dans cette aventure collective. Et après, nous avons eu donc Léo Lagrange. Hein. Il faut aussi faire le lien aussi avec tous ces mouvements qui ont créé, on va dire, que c'est qu'aujourd'hui que l'éducation au sens hors de l'école, hein, puisque les CMEA vont être dans la construction du moniteur éducateur d'internat dans les années 48. Ils vont être aussi appelés en psychothérapie institutionnelle par les fondateurs de la psychothérapie institutionnelle pour faire les stages d'infirmiers psychiatriques. Ils vont aussi être appelés par Jean Villard au Festival d'Avignon dès le début pour accueillir les 155. Centres de jeunes et de séjour en Avignon. Donc on a comme ça cette invitation après la guerre. Et à se renouveler, effectivement. Et toujours à se renouveler, oui. Et puis l'idée d'éducation populaire, c'est aussi l'éducation pour tous. Là, Il y a une résolution forte, une valeur forte, c'est que l'éducation est de tous les enfants et qu'elle doit profiter à tous. Voilà. Elle est de tous les instants et elle doit profiter à tous. Ça, c'est une de nos valeurs, par exemple. Elle s'inscrit aussi dans un milieu, proprement dit. Alors là, on entend dans cette image d'archives les classes de ville avec la formation des guides qui vont montrer à la fois les usines et aussi les musées de Paris pour former des accompagnateurs. Aujourd'hui, par exemple, on va traiter de choses autour du numérique, autour des neurosciences avec les enfants, donc qui montre bien aussi qu'on est toujours en renouvellement et qu'on s'inscrit toujours dans cette citoyenneté active en prenant aussi les questions de société par l'éducation. Et dans une revue des CMEA, c'était en 1955, deux auteurs, Roger Cousinet et François Châtelain, disaient « L'éducation nouvelle a moins d'ennemis qu'il y a 30 ans », c'était en 55, donc elle faisait référence aux années 20 en l'occurrence, mais si elle a plus d'amis, elle en a d'imprudents et qui la compromettent, d'autres qui de bonne foi n'en embrassent que l'ombre, d'autres qui n'utilisent que des méthodes desséchées d'où toute vie a disparu. Ça veut dire que c'est une éducation qui se veut en permanence réflexive, à devoir se renouveler justement pour éviter de se saucifier sur les promesses du baptême d'une certaine façon. Oui, c'est un défi permanent. Dans un stage, encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui est écrit au sens d'une pédagogie d'éducation active, donc qui va considérer l'autre en tant que sujet pour construire un certain nombre de contenus et de démarches dans les stages. Et c'est vrai que ça, ce qu'on va construire en 2017, est très différent de ce qu'on pouvait construire il y a 20 ans et très différent de ce qu'on pouvait construire il y a 40 ans. Ce qui fait qu'il y a un faux débat aussi sur les pédagogistes, hein. On serait des amateurs, on serait des bricoleurs, on serait un peu des tâtonneurs fous parfois, ce qui est tout à fait faux, c'est-à-dire que le socle sur lequel on s'appuie est toujours très proche d'une réflexion et d'un patrimoine qui éclaire effectivement ce qu'on va faire aujourd'hui, même si les questions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier forcément. C'est vrai, et d'ailleurs, dès le départ, justement, ce mouvement des pédagogies nouvelles, d'éducation nouvelle, met en place justement un institut de formation, justement, le groupe de formation d'éducation nouvelle dont vous faites partie, vous, Jacqueline Bonnard. Donc, dès 1922, et ça devient d'ailleurs le GFEN, en 1929, je crois. Et l'idée, c'est qu'il faut faire des recherches, poursuivre, justement, s'adapter, poursuivre des réflexions. Voilà, c'est-à-dire qu'on pense que, dès le début, alors moi, j'ai plutôt parlé enseignant, on pense dès le début que le professionnel doit être créateur de ses pratiques. On n'est pas là pour exécuter les bonnes pratiques, mais on est là pour réfléchir aux pratiques et aux modalités qui permettent de rendre les savoirs accessibles, mais accessibles à tous. Et donc, ce dont on a besoin très tôt, l'idée, c'est le praticien réflexif. C'est-à-dire le praticien qui est capable d'analyser les effets des pratiques sur les élèves ou les enfants qu'il a, ou les adultes qu'il a en charge, mais également qui est capable de se dire qu'il peut être créateur de nouvelles pratiques. C'est vraiment un renouvellement perpétuel. Et donc, c'est assez difficile d'installer ça, parce que finalement, les professionnels s'appuient sur des habitudes qui sont souvent fossilisées. Oui, mais c'est assez difficile aussi dans un contexte où, eh bien, on a aussi un ministère, par exemple, de l'Éducation nationale, qui voudrait effectivement que tous les enseignements puissent être plus ou moins normés. Or, ce que vous nous décrivez, c'est qu'effectivement, il est difficile de normer des professeurs de l'Éducation nouvelle et de normer d'ailleurs des élèves de l'Éducation nouvelle, en l'occurrence, Jacqueline Bonnard. Tout à fait, oui, oui. Et donc, c'est bien le paradoxe dans lequel on est, c'est-à-dire qu'à la fois, on a envie d'intéresser les élèves sur des thématiques qui nous sont, programmées, et en même temps, on sent bien qu'il faut renouveler la façon d'aborder les savoirs de façon à ce que chacun puisse les approprier. Alors c'est pour ça que vous avez lancé au CMEA avec donc cinq autres ou six autres associations, en l'occurrence Anne-Claire de Vosges, vous avez lancé cette Biennale internationale de l'éducation nouvelle qui s'est tenue au début de ce mois à Poitiers, au Futuroscope. Il y avait une raison particulière. La volonté de renouer avec la longue histoire que nous racontait tout à l'heure Joanna Grudzinska, c'est-à-dire avec cette Ligue internationale d'éducation nouvelle des années 20, des années 30. Oui, la volonté de renouer, non, mais sur le moment, sur l'initiative qu'on a prise, nous les CMEA, d'inviter donc le CRAP Cahier Pédagogique, la FESPI, la Fédération d'Établissements Scolaires Publics Innovants, l'ICEM, l'Institut Coopératif de l'École Moderne, et puis la Fédération Internationale des CMEA, il y avait cette volonté de rendre visible quelque chose qui est complexe, comme vient de le dire Jacqueline très bien. Proliférant. Qui varié aussi. Voilà, qui est hétérogène, qui est multiple, qui prend des chemins différents, mais mais quand même l'essence et la philosophie de ce projet-là est une philosophie. Alors, j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure sur la dimension un peu post-guerre. C'est vrai qu'il y a une philosophie d'éducation à la paix. Il y a une philosophie aussi d'émancipation qui est propre à l'éducation populaire, mais qui est aussi propre à l'éducation nouvelle. Quand on est face à des enfants qui vont bien, ça marche, hein, pour le plus grand nombre, l'éducation traditionnelle. Quand on a des enfants qui ne vont pas bien, il faut s'émanciper quand même des savoirs acquis et trouver d'autres moyens, effectivement, de rentrer par ces apprentissages avec eux. Donc ça nous unit tous. Alors la Biennale, c'était du 2 au 5 novembre à Poitiers. Ça a réuni 300 personnes. Nous avons eu un peu sur le film et le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. Ça s'est déroulé aussi à l'école supérieure de l'Éducation nationale. Voilà, pour nous, c'était aussi un lieu un peu symbolique. Nous souhaitons aussi sur ce lieu, parce que à l'ESN, il y a aussi des apprentissages innovants. Il y a aussi une manière de réfléchir à la formation des personnels de direction de l'Éducation nationale. Des pratiques innovantes, des classes inversées, vraiment des choses qui font filiation aussi avec notre projet. Donc ça nous paraissait aussi important, de travailler aussi sur un lieu qui soit un lieu qui nous permette effectivement de mettre en valeur ces nouvelles pédagogies. Parce que concrètement, comment ça, justement, au niveau de la formation des enseignants, qui sont quand même la clé de voûte un peu de la mise en place de cette éducation nouvelle ou de ces pratiques pédagogiques dans les ESP, est-ce qu'il y a des sessions de formation? Est-ce que vous intervenez? Comment concrètement cela se formalise? Jacqueline Bonnard. Jacqueline Bonnard. Alors, les ESP, donc précisons pour nos auditeurs que c'est l'école supérieure des professionnels de l'éducation. Ça ne forme pas que les enseignants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les ESP, nous sommes assez peu présents dans la formation initiale. Puisque avec la loi de refondation, on a mis en place ces structures, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu un temps où il n'y avait plus de formation pour les enseignants. On a remis en place des structures, mais qui sont davantage pilotées par les universités. Et donc les mouvements d'éducation nouvelle sont assez peu présents sur la formation initiale. Par contre, on a quelques académies, des associations complémentaires de l'école qui réussissent à travailler, à rencontrer les étudiants. Mais elles ont un peu de mal à créer du lien. Par contre, sur la formation continue, on est souvent demandé sur des lieux difficiles. Par exemple, réseau d'éducation prioritaire, REP+, à la fois par des équipes de terrain, à la demande d'établissements, mais aussi par les structures intermédiaires académiques pour travailler sur une nouvelle façon d'aborder les savoirs et faire en sorte que les collègues s'approprient un certain nombre de techniques ou de modalités pour justement rendre accessibles les savoirs à tout un chacun. Mais est-ce que un des problèmes de l'éducation nouvelle, Anne-Claire Devoges et Jacqueline Bonnard, ça n'est pas qu'au bout du compte, les meilleures innovations sont intégrées plus ou moins dans l'enseignement traditionnel. On peut dire que, par exemple, ce qui était noté par Johanna Grudzinska dans les années 30, les quad neuf, c'est devenu quelque chose que pratiquent à peu près toutes les écoles aujourd'hui. Beaucoup d'écoles se rencontrent autour de la question de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine. Les ouvertures de classe entre plusieurs niveaux se passent également. Les classes vertes, etc. Tout cela, d'une certaine façon, Anne-Claire Devoges, existe dans l'enseignement dit traditionnel aujourd'hui et donc désamorce une partie de ce que l'éducation nouvelle pourrait proposer ou a pu proposer de très neuf et de très révolutionnaire dans les années 20, les années 30 ou les années 50, Anne-Claire Devoges. Oui, alors on pourrait se satisfaire d'être récupéré, hein, parce qu'effectivement, quand les pratiques sont bonnes et notamment qu'elles participent au droit à l'éducation pour tous ou à l'exigence intellectuelle de chacun, effectivement, ça nous intéresse. Mais on est souvent, ces pédagogies sont souvent dévoyées parce que vous le voyez bien, vous citez le quad neuf du matin. Le quad neuf du matin est passé à un quad neuf à la semaine, mais c'est plus un quad neuf du matin. Le quad neuf du matin, c'est un moment. Il faut dire à ceux qui n'ont pas d'enfants, effectivement, voilà. Ce qu'est le quad neuf. C'est un moment d'une réunion d'enfants avec le maître dans lequel la hiérarchie des statuts est un peu abandonnée et où effectivement chacun a fonction de faire quelque chose pour le groupe et de faire quelque chose pour les apprentissages de la classe. Donc ça s'organise tous les matins. Mais c'est pas ce qui se passe quand on parle de quoi de neuf et quand certains enseignants viennent nous parler de quoi de neuf. Alors je pense que dans la formation, peut-être Jacqueline, on pourrait rajouter un autre parti pris qui nous semble vraiment important, c'est l'analyse des pratiques. Et derrière l'analyse de la pratique, on va effectivement détricoter certaines choses, notamment la pédagogie institutionnelle. Ce n'est pas ce que peuvent en dire certains enseignants quand ils font juste un quoi de neuf à la semaine. Donc c'est très important de voir que tout ça a une armature très importante. Il y a énormément d'ingrédients, on va dire, à l'éducation nouvelle. Et quand on les sépare les uns des autres, ce n'est plus de l'éducation nouvelle. Permettez-moi. Jacqueline Bonnard, sur ces points. Oui, c'est au niveau des structures qu'il faut intervenir. Alors que là, on voit bien, c'est voilà, par petite pointe. Voilà, on va faire hop, on va prendre un petit outil pédagogique, on va l'installer, le mettre en place, et puis il y aura une continuité ou il y en aura pas. Alors que vous vous dites, évidemment, c'est un ensemble d'outils qu'il faut utiliser de manière construite. C'est vraiment un paradoxe parce que on a l'impression d'être présent dans les médias sans arrêt. Avec ces reprises d'éléments comme ça, un peu éparses, que on identifie comme étant de l'éducation nouvelle. Et finalement, on ne peut pas dire. Alors, c'est soit en faisant la promotion. Alors, on a parlé tout à l'heure des classes vertes, de la découverte des musées, par exemple, d'aller vers l'extérieur, ou bien pour contrecarrer justement ces idées-là, en essayant, par exemple, de faire revenir l'autorité du maître, des apprentissages raisonnés, organisés d'une certaine façon. Et du coup, en réalité, quand on y regarde bien, l'éducation nouvelle a assez peu essaimé dans ses méthodes dans le milieu scolaire. Mmh. Lorsqu'on analyse vraiment la situation. Il y a toute une offensive contre le pédagogisme, ce que les opposants appellent le pédagogisme. Mmh. Et sur ce point, Claire Devoje aussi, on pourrait s'étonner qu'après 100 ans d'innovation, etc., il n'y ait pas plus d'écoles qui pratiquent ce genre de pédagogie. Par exemple, on pourrait se dire, mais tiens, c'est curieux, dans Paris, il y en a quelques-unes, dans le reste de la France aussi, quelques dizaines sûrement qui pratiquent cela, mais assez peu, au bout du compte, Anne-Claire Devoje. Oui, je pense que, alors, elles sont plus nombreuses sans doute aujourd'hui qu'hier. Surtout les militants, parce que c'est comme ça qu'on se définit nous au CMEA. Les militants ont aussi investi d'autres lieux que l'école proprement dite. Il faut aussi, à l'initiative de cette biennale, on a effectivement invité plusieurs partenaires et certains auraient bien voulu être là. Il faut aussi dire que nous faisons résolument un travail dans l'école publique. C'est ce qui nous rassemble aussi. C'est-à-dire, le rapport de conviction que nous avons, il est aussi à l'interne des écoles publiques, parce que si on dit qu'on veut que ça profite à tous, l'éducation pour tous, c'est d'abord effectivement l'école publique. Il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont sortis de l'école publique pour créer des écoles privées, alternatives, l'école cher, nouvelle. Cher, quelquefois, très voilà. Cher. Bah, les Montessori, par exemple. Voilà, il nous semble vraiment important, nous, de rester dans cet ancrage-là, qui est un ancrage effectivement historique, mais pas que. C'est aussi une dimension politique très très forte de notre projet. Aujourd'hui, nous intervenons quand même dans les écoles supérieures du professorat d'éducation sur tous les métiers. Nous intervenons sur l'éducation nouvelle, sur l'éducation spécialisée, sur le périscolaire, sur les vacances, sur les classes de découverte. Nous intervenons comme ça dans un maillage qui est beaucoup plus diversifié, d'une manière aussi très volontariste. Hein. Les questions d'Europe, les questions de départ, de mobilité des jeunes, par exemple, c'est aussi pour nous très très important, le travail avec d'autres aussi. Donc nous l'ancrons dans le public pour aller effectivement essaimer plus largement qu'hier sur plusieurs terrains. Jacqueline Bonnard, vous disiez tout à l'heure que vous étiez appelée souvent, les militants de l'éducation nouvelle, dans des REP, dans des écoles plus ou moins plus difficiles que d'autres d'une certaine façon, mais il y a aussi un autre pendant, c'est que il faut que les parents jouent le jeu avec cette question-là. Est-ce qu'il est facile de faire jouer le jeu de cette éducation nouvelle à des parents très divers venant d'un peu partout, par exemple dans le monde, alors que il y a aussi une sorte disons gentrification de l'éducation nouvelle qui s'est produite depuis pas mal de générations, où en fait c'est de la reproduction manière Bourdieu qui veulent pour leurs enfants le meilleur, et donc le meilleur étant l'éducation nouvelle, on va leur donner l'éducation nouvelle. Comment cela se passe-t-il dans des endroits où c'est peut-être plus difficile à faire passer? Alors nous ce qu'on pense, alors là je vais parler GFEN, ce qu'on pense c'est qu'il faut d'abord changer le regard des enseignants sur l'élève et sa famille. On a un principe d'éducabilité, c'est-à-dire qu'on dit que tous les enfants sont capables de réussir. Hein, c'est même inscrit maintenant dans la loi de refondation. Mais c'est loin d'être une idée partagée par la société et même par les professionnels de l'éducation. Et une des premières choses que l'on fait dans nos formations, c'est d'essayer de transformer ce regard de façon à faire venir, à préparer la rencontre avec les parents. Parce que si le regard des enseignants ne change pas à ce niveau-là, les parents, il y a peu de chances pour qu'ils viennent. Et on le fait... Qu'ils adoptent ces méthodes, voilà, avec volonté. Ou qu'ils adoptent l'école. Hein, et ouais, qu'ils adoptent tout simplement l'école, oui. Et donc on le fait par un triple éclairage théorique, un éclairage sociologique... pour montrer aux enseignants quelles sont les logiques qui agissent les parents dans leur rapport à l'école et au savoir. Mmh. Un deuxième éclairage sur le plan didactique, à savoir quelles sont les erreurs que peuvent rencontrer ou les difficultés que peuvent rencontrer les enfants, mais également les parents qui essayent d'aider leurs enfants dans les apprentissages. Et puis un troisième éclairage, qui est l'éclairage, on en a parlé un peu, l'éclairage éthique, pour battre en brèche des comportements fatalistes par rapport à ces difficultés à enseigner avec des publics difficiles. Oui, il faut dire effectivement que vous disiez tout à l'heure, Anne-Claire Devoche, que l'époque a changé. Par exemple, cette volonté de faire travailler ensemble les enfants pour les faire réussir ensemble dans une époque qui est peut-être plus individualiste que d'autres périodes et peut-être plus difficile aussi à faire admettre. Oui, peut-être citer un des exemples à présenter à la Biennale de l'Éducation Nouvelle sur la mixité sociale à Poitiers, avec l'ambition de la ville et l'ambition de la communauté éducative, donc des directions d'école, des enseignants, des parents, de pouvoir réunir sur un même territoire deux écoles dans un projet innovant, situant aussi là des démarches d'éducation nouvelle. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, faut traduire. C'est vrai que l'individualisme dont vous parlez fait que tel parent souhaiterait que son école ne bouge surtout pas. Oui, bien sûr. Et tel autre souhaiterait qu'elle bouge beaucoup. Donc il faut effectivement travailler à de l'explicitation, à plus de solidarité aussi, et faire travailler ces familles ensemble. Merci à vous deux, merci Anne-Claire Devoche et merci à vous Jacqueline Bonnard d'être venue nous présenter en avant-première d'une certaine façon les résultats de cette Biennale internationale de l'éducation nouvelle. Demain, vous parlez dans votre documentaire avec Anne Fleury d'une école particulière. L'école. D'un cas. Oui, un cas. L'école de Crolly de Saint-Mandé. Donc voilà, au vide de Crolly, on en a un petit peu parler. Et puis vous, Johanna Gondinska, vous en parlez beaucoup dans votre documentaire, dont c'est ce médecin qui devient pédagogue et qui fonde une première école où il mêle justement les handicapés aux enfants plus, entre guillemets, normaux. Il fonde cette école, il est pionnier en fait, hein, de Crolly, puisqu'il fonde son école au début du XXe siècle, hein, donc 1907 à Bruxelles. Et puis, une école va être créée à Paris, dans le Val-de-Marne, par un couple de parents dont la femme a été bruxelloise elle-même et a été à l'école, et finalement elle crée cette école parce qu'elle peut pas s'en passer pour ses enfants, et donc c'est une école qui devient publique, hein, deux années plus tard, et qui poursuit son chemin, alors parfois avec difficulté, il faut le dire. On écoutera ça dans le système public avec un extrait de ce documentaire tout de suite. Je me demande où ça se met, ça. Le professeur parle peu de mots, beaucoup de faits. Montrer, faire observer sur le vif, analyser, manipuler, expérimenter, confectionner, collectionner. Toujours être dans l'action. Ah oui, j'ai trouvé, il y avait un carré là. Tous les textes qui sont là, ce sont des notes qui avaient été prises par De Crolly. Parce que De Crolly n'a jamais laissé un livre donnant une méthode pédagogique pour voilà comment s'y prendre. Mais il avait des tas d'observations et de pensées, de principes de Crollien qu'il a écrit. Donc on a trois principes, notamment observation, association, expression. Devant tout objet ou toute situation, d'abord la première chose, c'est un temps d'observation. Comme on fait, essayer de comprendre ce qui se passe, se questionner, et donc éventuellement ça donne des idées, des ponts vers « ah mais oui, mais c'est comme », donc on associe à ce moment-là, et on peut développer plus en associant dans l'espace et dans le temps. Donc là, vous voyez que par derrière, on retrouverait des termes comme histoire, géographie, ou un questionnement qui va amener à des expériences. Et puis, une fois qu'il nous semble avoir fait le tour un petit peu du sujet à propos duquel on était parti, eh bien, rendre compte, c'est-à-dire l'expression sous toutes ses formes, que ce soit un dessin, un écrit, une fabrication, enfin essayer de varier et aussi le théâtre, le maximum de formes d'expression pour que chacun y trouve son compte. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est capable d'exprimer comme il faut qu'on a vraiment intégré et compris et retenu. On peut les aider. Oui, oui, vas-y. Bravo les filles. Exemple, la classe est partout, à la cuisine, au jardin, au champ, à la ferme, à l'atelier, à l'usine, à la carrière, au magasin, au musée, aux expositions, en excursion et en voyage. Et c'est ça la classe, n'est-ce pas ? Il y a la salle de classe, mais il y a la classe. C'est autour de la chose à enseigner que doivent être groupés les enseignements plutôt que d'être donnés chacun pour eux-mêmes. Ça, c'est pas De Crolly qui le dit, c'est Vallon. Or, Vallon, avec Langevin, c'est eux qui ont été à la base de la création de De Crolly. Demande d'abord. Est-ce que tu es d'accord pour jouer à la guitare avec moi ? Et si le copain est d'accord, tu peux ? Voilà donc pour cet extrait de documentaire qu'on pourra entendre demain, donc signé de vous, Séverine Liattard et Dan Fleury, un documentaire sur l'école De Crolly. On continuera de parler d'éducation et de pédagogie nouvelle. Alors on s'interrogera, on a déjà commencé un petit peu à en parler, mais sur la relation entre pratiques pédagogiques, nouvelles pratiques pédagogiques et la guerre, notamment avec Freinet, mais pas seulement, avec aussi l'école des Roches. Mercredi et puis jeudi, on reviendra sur ce fameux plan Langevin-Vallon, qui n'a jamais été vraiment appliqué, mais qui a été souvent et qui revient souvent sur le devant de la scène, comme un modèle. Invoqué comme un modèle, mais qui n'a jamais été appliqué, un plan d'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Langevin et Vallon participaient justement à cette initiative de l'éducation nouvelle avant même la Seconde Guerre mondiale. Et on en parlera donc dans notre émission de jeudi. Merci donc à toutes les trois. Merci Anne-Claire Devoge. Merci à vous. Merci Anne-Claire Devoge. Merci Jacqueline Bonnard. Et merci à vous, Johanna Grudzinska. Votre film Révolution École, on peut le trouver en VOD sur Arte, c'est ça ? En VOD sur Arte. En édition DVD courant 2018, voilà, j'espère que ce sera un petit peu communiqué. Et moi, je voulais juste dire qu'il y avait la revue initiale de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, consacrée ce mois-ci à Maria Montessori, MM. Et vraiment, ça vaut le coup, elle est super. Merci, cette revue, en l'occurrence. Oui, la revue, enfin, le numéro. Voilà, très bien, initiale. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Jacques Hubert était aujourd'hui avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.